Le soleil et les grenouilles. Livre 6, fable 12. Par Jean de La Fontaine. Aux noces d'un tyran, tout le peuple en liesse noyait son souci dans les pots. Ésope seul trouvait que les gens étaient sots de témoigner tant d'allégresse. Le soleil, disait-il, eut dessein autrefois de songer à l'Hyménée. Aussitôt on ouït, d'une commune voix, se plaindre de leur destinée les citoyennes des étangs. « Que ferons-nous s'il lui vient des enfants » dirent-elles au sort. « Un seul soleil à peine se peut souffrir, une demi-douzaine mettra la mer à sec et tous ses habitants. Adieu, joncs et marais, notre race est détruite. Bientôt on la verra réduite à l'eau du Styx pour un pauvre animal. Grenouille, à mon sens, ne raisonnait pas mal. » Fin de « Le soleil » et les grenouilles. Enregistré par Christiane Jehanne.